nous allons parler, Patrick, des cosmétiques de demain. Et je pèse mes mots. Parce que les cosmétiques tels que nous les utilisons aujourd'hui, finalement, ne sont-ils pas désuets? Ne sont-ils pas suffisamment respectueux de l'environnement, de notre corps? On va voir tout ça avec notre invitée aujourd'hui, puisqu'elle a, elle innove, elle a créé toute une ligne de cosmétiques tout à fait nouveaux qui sont en vente sur Internet. Elle va nous en parler maintenant. C'est Carole Marchais. Bonjour Carole. Bonjour Émilie. Bon, merci Carole d'avoir accepté l'invitation. Je viens de l'expliquer à l'instant. Vous avez créé une ligne de cosmétiques tout à fait innovante. Je présentais ça de la manière suivante. Je sais que c'était les cosmétiques de demain. Vous allez nous donner votre avis là-dessus. Déjà, quelle ligne de cosmétiques avez-vous créée? Alors, j'ai créé une ligne qui s'appelle les apicuriennes, avec l'idée de proposer une autre vision de la beauté plus naturelle, plus bienveillante et plus heureuse. Je les pose en fait sur l'idée de bien prendre soin de sa peau, mais aussi de bien prendre soin de soi de manière globale. Sans oublier, bien sûr, de prendre soin de notre environnement. Justement, je pense qu'on ne peut pas faire fi de votre parcours, puisque c'est lui qui vous a amené à tout ça. Vous avez un parcours riche et double, je dirais, d'un point de vue chimie, c'est-à-dire travailler la matière, les cosmétiques, et puis d'un point de vue environnemental dans des ONG. Dites-nous en plus sur votre parcours, justement. Qu'est-ce qui vous a amené à tout ça? Oui, en effet, c'est ça. En fait, les apicuriennes, c'est la suite logique de mon parcours à la fois professionnel et personnel, puisque je suis chimiste et cosmétologue de formation. Donc, j'ai travaillé 12 années dans l'univers de la beauté, dont 8 ans en laboratoire où j'ai développé pléthore de formules cosmétiques. Et puis j'ai fait un virage professionnel et j'ai choisi de rejoindre le domaine de l'environnement et du développement durable, dans mon ONG en effet, comme vous le disiez. Et j'ai travaillé pendant 2 ans pour la fondation de Yann Arthus Bertrand, où je m'occupais de la communication. Donc j'ai choisi de faire un mélange de ces deux parcours professionnels, cosmétiques et environnementaux. Qui du coup pouvaient se compléter, en tout cas vous les avez complétés l'un et l'autre au travers de votre création de cette nouvelle ligne. Existe-t-il beaucoup de lignes comme la vôtre justement, de cosmétiques respectueuses à ce point de l'environnement et de notre corps? Oui, il existe de plus en plus de produits cosmétiques bio. Ça se développe beaucoup. Il y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus. Pour les femmes, je dirais notamment au moment de la grossesse, où on cherche des produits qui soient respectueux de sa peau, où il n'y a pas de substances un petit peu problématiques dans les produits. Qui soient toxiques, pour autant. Donc on a une offre, en effet, on a une offre qui est de plus en plus importante sur le marché. Et quel, on va revenir à votre gamme, quel regard avez-vous justement sur toutes les gammes bio qui se développent? On est un peu méfiant, nous, le grand public, parfois, on se dit est-ce qu'il n'y a pas seulement l'étiquette qui nous vend le bio? Que se cache-t-il derrière? Est-ce que le bio est toujours bio? Est-ce qu'il est toujours respectueux, justement, de l'environnement et de notre corps? Alors, pour, justement, avoir une garantie sur des produits vraiment bio, il y a tout un tas de labels qui garantissent que les produits ont été faits en respectant une charte avec des exigences particulières. Nous, avec les apicuriennes, on a cherché à aller beaucoup plus loin que ce que les chartes de cosmétiques bio préconisent. Et on a développé une ligne avec 4 produits qui vont avoir des exigences vraiment particulières. Oui. Par exemple, ce n'est pas stipulé par les charges de cosmétiques bio, les chartes, pardon. On n'utilise pas l'huile de palme et ses dérivés dans nos produits. Oui, c'est très rare. Aujourd'hui, la plupart des produits en contiennent. Nous, on a voulu vraiment s'affranchir de ces ingrédients qui posent des problématiques de déforestation. Il y a tout un tas de belles matières que l'on peut utiliser sans avoir besoin d'avoir recours à des dérivés de palme. Donc, par exemple, c'est un des choix qu'on a fait par rapport au développement de la gamme. Êtes-vous toute seule, justement, à piloter cette nouvelle gamme qui s'appelle, je le rappelle, les apicuriennes.com. Les apicuriennes.com, ça s'appelle comme happy, content, H-A-2-P-Y, et puis comme épicurien. Hein, c'est le nom est formidable, d'ailleurs. Je vous félicite, c'est très mignon, c'est adorable. Les apicuriennes.com. Êtes-vous toute seule aux commandes de cette ligne-là? Alors oui, je suis toute seule à développer la gamme et ce qu'il y a autour de la marque. Maintenant, c'est quand même une ligne qui a été développée en co-création pour la première fois au monde. Donc j'ai invité des femmes, des centaines de femmes à prendre part à la conception de cette ligne. Ah, très bien. Donc il y a eu au final plus de 700 femmes qui ont participé à toutes les étapes de création. Donc depuis le partage de leur rituel de beauté et leurs besoins, les ingrédients qu'elles voulaient et qu'elles ne voulaient pas dans les produits, les packagings d'un point de vue graphisme, jusqu'au test des produits en avant-première avant de pouvoir lancer la gamme en décembre 2015. Alors, que trouve-t-on chez les apicuriennes.com? Quels produits trouve-t-on? Des soins, des maquillages? Alors, c'est une ligne courte de 4 soins pour le visage. Donc, il y a 4 produits adaptés aux différents types de peau. Avec des noms extraordinaires, je vous laisse les dire parce que ils sont très accrocheurs. Merci. Alors, on a la joyeuse pour les peaux normales à mixte. Oui. On a l'optimiste pour les peaux sèches à sensibles. Qui est formidable, je le recommande. J'ai testé l'optimiste. Bon, déjà, le nom me sied à merveille, mais au-delà de ça, c'est vrai que moi qui suis très réactive à de nombreux produits cosmétiques que l'on peut trouver dans le commerce, le vôtre me va extrêmement bien. Voilà, on adapte très vite puisqu'on sent les bienfaits immédiats sur la peau. Et puis voilà, quand on se sent jolie, belle et qu'on a la peau bien voilà. Jolie, bien lisse, bien préparée, bien notre morale s'ensuit. Ensuite, une troisième crème, c'est l'audacieuse, c'est ça? C'est ça, la troisième, c'est l'audacieuse qui, elle, est destinée aux peaux fatiguées et stressées, c'est-à-dire les peaux qui sont à la fois déshydratées et sèches. Mm-hmm. Et enfin, on a la rebelle pour les premières rides et les peaux matures. Là, ce sera pour plus tard, moi. C'est tout un programme. j'espère que ce sera pour plus tard. C'est super. Alors, rappelons-le, ces produits, cette gamme de soins pour la peau, quel intérêt a-t-elle sur le plan environnemental? Alors, sur le plan environnemental, donc en premier lieu, ce sont des produits cosmétiques bio, c'est-à-dire que la plupart des ingrédients vont être issus de l'agriculture biologique, donc qui ne recourent pas à des produits de synthèse. Oui. Donc, on a déjà des belles matières nobles. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'huile de palme et ses dérivés. Mmh. On a des emballages qui sont recyclables. Pour être sûr qu'ils soient bien recyclés, nous, on a mis en place des points de collecte. Ah, très bien. Pour pouvoir récolter nos flacons usagés et les faire recycler via une filière spécifique qui se trouve en Lozère. Et du coup, ces packagings vont pouvoir donner lieu à des nouveaux produits comme des jouets, des accessoires de jardin, tout un tas de choses qu'on peut utiliser dans la vie courante. Très bien. Sur l'aspect protection des animaux, quel intérêt ont vos produits, pareillement? Alors, j'ai développé une gamme végane, c'est-à-dire aucun ingrédient d'origine animale et aucun test d'animaux, que ce soit sur les matières premières ou... Test en laboratoire, on rappelle que certains produits cosmétiques qui sont vendus dans le commerce aujourd'hui ont des tests en laboratoire sur des animaux qui ne les épargnent pas de certaines souffrances et de conditions de vie qui sont assez regrettables, je me permets. Oui, et donc vos produits ont cet atout aussi. Oui, aujourd'hui les tests sur animaux sont interdits en Europe, mais il y a bien entendu quelques exceptions et dérogations pour des groupes qui... Et sachant que certains produits sont fabriqués à l'étranger, voilà, on ne connaît pas toujours le circuit des produits que l'on achète. Voilà. C'est ça. Le vôtre a l'atout justement qu'on connaisse bien ce circuit-là. Et maintenant, troisième point, quel est l'intérêt justement pour notre corps et les bienfaits de notre peau de vos produits? Alors les cosmétiques bio, ils ont un intérêt santé. Nous, on a vraiment fait attention aux substances qu'on utilisait dans notre cahier des charges. On avait interdit tout un tas de substances douteuses. Donc, les produits cosmétiques bio sont susceptibles de ne contenir aucun ingrédient de synthèse. Donc, diminuer le risque potentiel d'allergie, on va dire, par exemple. D'irritation, mais également des problèmes de santé à terme. Oui. Quand on pense notamment aux perturbateurs endocriniens qui sont dans pléthore de produits cosmétiques. Et d'autres. Oui, parce que souvent, on pense à des réactions allergiques immédiates, mais bien sûr, sur du long terme, certains produits peuvent être catastrophiques pour la peau et générer des maladies graves. Exactement. Hein? C'est notamment l'effet cocktail, le fait d'en utiliser plusieurs qui contiennent plusieurs substances nocives qui, à terme, peuvent être vraiment problématiques. Mm-hmm. Ça, on l'ignore souvent. Et puis, en termes d'efficacité, les produits cosmétiques bio ont cet avantage de contenir des ingrédients qui vont être d'origine végétale, donc qui vont être beaucoup plus en affinité avec la peau que tout ce substances de synthèse, sinon aucun principe actif que la peau reconnaît immédiatement ou dont elle a besoin au quotidien. C'est des ingrédients qui vont plutôt avoir une action de surface ou une action éphémère, quand les ingrédients d'origine végétale vont avoir une action plus durable, plus sur le long terme. Ouais. Alors les une meilleure efficacité. Et ça, c'est important. Les apicurienne.com, votre site, donc, pour le moment, propose de la vente en ligne. Y a-t-il actuellement des points de vente? Et sinon, y a-t-il un projet pour trouver vos produits dans le commerce? Alors, aujourd'hui, oui, en effet, on a notre site internet, mais on est également distribué dans plus d'une dizaine de boutiques physiques. Oui. Notamment à Paris, il y a la boutique Vegan Mania qui nous distribue. Oui. On est présent en Ardèche, dans une très jolie boutique qui s'appelle Univeda. Oui. Et également dans le sud-ouest de la France, chez Grain de Soleil. J'imagine que toutes ces adresses de points de vente, on les retrouve sur votre site internet, les apicurienne.com. Tout à fait. Dernière question, depuis quand existent les apicurienne.com? Alors la marque a été lancée en décembre 2015, donc ça fait un an et 4 mois. Donc elle est toute jeune. Quel recul avez-vous par rapport à la clientèle, au grand public? Est-ce que le public est de plus en plus sensible à la cause environnementale et aussi à la cause santé, puisque l'aspect santé est important dans les cosmétiques pareillement? Oui, tout à fait, on a pu noter une belle évolution. On a eu un très bon accueil de la part des clientes, des blogueuses, des journalistes. Mm-hmm. Pour l'instant, on dit vraiment que du bien. On a eu une vraie belle progression pendant la première année. Mm-hmm. Beaucoup de bouche à oreille, oui. De fidélité, que ce soit féminine ou masculine d'ailleurs. Oui. Avec des personnes qui nous ont envoyé des messages pour nous exprimer vraiment leur satisfaction sur les produits, mais également sur l'éthique et sur l'efficacité des produits. Et on constate que oui, la sensibilité au bio, au véganisme, à l'environnement progresse beaucoup. Comme vous disiez tout à l'heure, ça se passe beaucoup au moment de la grossesse chez les femmes. Mmh. Une prise de conscience qui est légitime. Exactement. À ce moment-là. Mmh. Exactement. Les gens... s'interroge de plus en plus sur ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment. Donc pour les femmes, ce qu'elles se mettent sur la peau, on voit de plus en plus de gens qui apprennent à lire ce qu'on appelle les listes Inky, c'est-à-dire la liste d'ingrédients qui se trouvent au dos des emballages. Donc elles cherchent vraiment à savoir s'il n'y a pas de substances nocives dont on parle beaucoup dans les médias. Oui. Et donc cherchent des produits comme ça qui sont plus minimalistes, qui contiennent moins d'ingrédients et des ingrédients de grande qualité. Alors aujourd'hui, vous proposez des cosmétiques, des soins pour la peau pour les femmes. Y a-t-il projet déjà de proposer pour les hommes? Et allez-vous élargir votre gamme un jour, par exemple? Y a-t-il impossible aussi côté maquillage, est-ce qu'on va élargir tout ça un jour? Alors oui, on est en train d'élargir la gamme. Là, on développe actuellement un nouveau produit. Donc pour répondre à la question sur les produits pour les hommes, on n'a pas prévu pour l'instant de développer une gamme masculine. Comme on s'adresse aux différents types de peau, les hommes peuvent aussi trouver leur bonheur en fait parmi nos quatre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez tout à fait, selon votre type de peau, messieurs, voilà, utiliser. Ça peut être valable pour mon épouse et pour moi-même. Voilà, alors, même si le packaging est féminin, mais n'est pas réservé aux femmes, il suffit de connaître son type de peau pour adapter les soins, en fait. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, on a déjà beaucoup d'apicuriens. Aurez-vous bientôt d'autres produits, type maquillage, par exemple? Alors, maquillage, ce n'est pas prévu qu'on en développe. On se concentre sur le soin de la peau, oui. Parce que le maquillage, c'est une spécificité de formulation. Donc, pour l'instant, on se concentre sur les soins. Mais c'est déjà formidable. Donc je rappelle votre site www.lesapicuriennes.com. Nous remettrons toutes les infos sur le site. On l'adore, on la déteste, sur Arc-en-Ciel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Carole Marchais, merci Carole. Infiniment. Je donne rendez-vous à toutes les auditrices et les auditeurs, puisqu'ils ne sont pas exclus de cette gamme de produits formidables. Je leur donne rendez-vous sur votre site lesapicuriennes.com. À très bientôt, merci Carole. À très bientôt. Et de belles choses pour la suite dans vos projets. C'est formidable, votre investissement pour ces causes-là. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles.